Tu viens, chérie? Eh, à l'aise. Attention les morpions! Prends la barque! Petit voyeur, fini le vice. Vous qui m'appelez quand je pèse et quand je pisse. Ouais, pas que ça ressemble entre mes cuisses. Je prie pour vous, m'organifiez et pour vous lisse. Putain, avec les putes.